Chapitre 13e. 3 jours après sa présentation à la famille de Madame de Saint-Tré, Newman, rentrant chez lui le soir, trouva sur sa table la carte du marquis de Bellegarde. Le lendemain, il reçut un billet l'informant que la marquise de Bellegarde serait heureuse d'avoir à dîner l'honneur de sa compagnie. Il s'y rendit, cela va sans dire, bien qu'il lui fallût pour cela rompre un autre engagement. En entrant dans le salon de la rue de l'université, il trouva sa vénérable hôtesse entourée cette fois de la famille au complet. Madame Urbain de Bellegarde, assise sur une chaise basse, se chauffant les pieds, chaussée de toutes petites pantoufles roses. Valentin, près d'elle, lui disant à voix basse d'aimables folies. Madame de Saint-Tré, au fond du salon, tenant sur ses genoux une petite fille, l'aîné des enfants de son frère, à qui elle racontait sans doute quelques merveilleuses histoires, le marquis, enfin, debout devant la cheminée, la tête haute et les mains derrière le dos, dans l'attitude d'un homme qui attend. La marquise Douairière se leva pour recevoir Newman avec une courtoisie solennelle et gourmée. Elle semblait vouloir lui faire sentir tout le prix d'une telle condescendance de sa part. « Nous sommes seuls, vous voyez. » « Nous n'avons invité personne d'autre que vous, » dit-elle gravement. « J'en suis heureux, » répondit Newman. « C'est plus agréable ainsi. Bonsoir, monsieur. » Il tendit la main au marquis. Monsieur de Bellegarde fut affable, mais en dépit de sa dignité habituelle, il paraissait agité. Il se mit à aller et venir dans le salon, regardant par les fenêtres, prenant des livres et les reposant aussitôt. Sa femme donna la main à Newman sans le regarder. « Vous croyez peut-être que c'est de la froideur, » dit Valentin. « C'est au contraire une preuve d'affectueuse sympathie. Elle vous traite en intime. Moi, qu'elle déteste, elle me regarde toujours. »« Si je vous regarde toujours, il n'est pas étonnant que je vous déteste, » s'écria la jeune femme. « Si M. Newman n'est pas satisfait de ma poignée de main, je peux lui en donner une autre. » Christopher n'eut pas à profiter de ce charmant privilège, car déjà il traversait le salon pour saluer Madame de Saint-Tré. Elle lui serra la main, sans le quitter du regard, pendant qu'elle continua le récit de son histoire à sa petite nièce. Elle en était à la fin, au moment le plus palpitant. Elle assombrit sa voix en souriant. La petite fille la regardait avec de grands yeux émerveillés. Mais le jeune prince épousa la charmante Florabelle, et l'emmena pour vivre avec lui dans le royaume du ciel rose. Elle y fut si heureuse qu'elle oublia bien vite ses peines et alla se promener tous les jours de sa vie dans un beau carrosse d'ivoire traîné par 500 souris blanches. La pauvre Florabelle, expliqua Madame de Saint-Tré à Newman, avait terriblement souffert. « Elle n'avait rien mangé pendant 6 mois !» s'écria la petite fille. « Oui, mais au bout de 6 mois, elle eut un plum cake aussi gros que ce canapé, » ajouta Madame de Saint-Tré. Ce qui l'a remis tout à fait en bonne santé. « Quelle existence agitée !» dit Newman. « Vous aimez beaucoup les enfants. » Elle les aimait, il en était certain, mais il voulait le lui entendre dire. « J'aime à causer avec eux. On peut leur parler plus sérieusement qu'aux grandes personnes. Ce que je raconte à Blanche est une grande folie, sans doute. C'est 1000 fois plus sérieux, cependant, que la plupart de nos conversations dans le monde. » « Eh bien, parlez-moi toujours comme si j'avais l'âge de Blanche, » dit Newman en riant. « Vous êtes-vous amusé à votre bal l'autre soir ?»« Divinement. »« Ah, voilà que vous me parlez déjà comme on parle dans le monde. Je ne vous crois pas. »« C'est ma faute si je n'ai pas joui de ma soirée. Le bal était charmant, la société des plus aimables. »« Mais votre conscience vous reprochait, n'est-ce pas, d'avoir contrarié votre mère et votre frère ?» Madame de Saint-Tré le regarda un moment sans répondre. « C'est vrai, » dit-elle. « J'avais entrepris plus que je ne pouvais accomplir. Je n'ai pas beaucoup de courage. Je ne suis pas une héroïne. » Elle dit ces derniers mots avec une douce emphase, puis, soudain, changeant de ton. « Je n'aurais jamais eu la force d'endurer les souffrances de la pauvre Florabelle, même avec la perspective de sa récompense. » On annonça le dîner et Newman offrit son bras à la vieille Madame de Bellegarde. Quand il se vit à table, dans cette grande salle à manger, au milieu de cette aristocratique famille, notre Américain se sentit quelque peu embarrassé. Quelle était sa position, en fin de compte, envers ses hôtes? La marquise, en l'invitant à dîner, avait-elle voulu répondre à ses avances? et le fait de l'avoir invité seul était-il un bon ou un mauvais signe? Les Bellegarde auraient-ils rougi devant leurs amis de leur nouvelle connaissance, ou bien désiraient-ils lui prouver qu'il avait complètement gagné leur bonne grâce et serait désormais traité en intime de la maison? Newman était sur ses gardes, attentif et soupçonneux, mais en même temps presque indifférent. Qu'on lui tendît une perche longue ou courte, il n'en était pas moins là, ayant en face de lui, pour une heure au moins, Madame de Saint-Tré, calme et souriante, et cela lui suffisait, pour le moment. Le dîner fut solennel et cérémonieux. Newman se demandait s'il en était toujours ainsi dans les anciennes familles. Madame de Bellegarde ne se départit pas un seul instant de sa réserve hautaine. Le marquis affecta de ne parler que beaux-arts. Il ramenait sans cesse la conversation sur les musées de l'Europe que Newman avait visités et émettait d'élégants aphorismes sur les carnations de Rubens ou le goût délicat du Sansovino, comme s'il voulait rester à tout prix dans les généralités. Il semblait éprouver une frayeur nerveuse que cet Américain ne se laissât entraîner à quelque révélation désagréable sur son passé commercial, ou ne commît quelque bévue. « De quoi diable a-t-il peur ?» se demandait Newman. « Croit-il donc que je vais lui proposer un duel au couteau ?» Newman ne cherchait pas à se dissimuler à quel point ce marquis lui était antipathique. Il n'avait jamais éprouvé de ces aversions instinctives et presque maladives qu'on ressent quelquefois pour certaines gens. Ses nerfs ne l'avaient jamais dominé, mais en présence du marquis, il se sentait un irrésistible besoin d'être de l'opposition. Cet homme était l'homme des formes, des phrases et de la pose, mais capable aussi de toutes les impertinences et de toutes les trahisons. Quant à Madame de Saint-Tré, gracieuse comme toujours et maîtresse d'elle-même, il était impossible de tirer aucune conclusion de l'expression de son visage. Rien dans sa manière d'être n'indiquait qu'elle connût la disposition d'esprit de sa mère et de son frère aîné à l'égard de Newman. La jeune Madame de Bellegarde, selon son habitude, distraite, préoccupée, écoutant sans l'entendre ce qui se disait autour d'elle, examinant sa toilette, ses bagues, ses ongles, paraissait s'ennuyer profondément. Valentin lui-même déconcertait son ami. Il était agité, évidemment surexcité, d'une gaieté forcée et pénible. Il en résulta que Newman, pour la première fois de sa vie, ne fut pas lui, qu'il mesura chacun de ses mouvements, compta chacune de ses paroles, résolu à se mettre au diapason de ses hôtes et à prouver qu'il savait lui aussi avoir à l'occasion toute la raideur d'un homme ayant avalé une baguette de fusil. Après le dîner, les trois hommes passèrent dans le fumoir. Newman refusa de fumer, mais s'établit confortablement sur un divan tandis que le marquis allumait son cigare à l'une des bougies de la cheminée. Valentin les considéra curieusement tous deux pendant quelques instants, à travers la fumée blanche de sa cigarette. À la fin, il s'écria « Je n'y puis tenir plus longtemps. Il faut que je vous fasse part des nouvelles et que je vous félicite. Mon frère a l'air d'hésiter à venir au fait. Il tourne autour de sa communication comme le prêtre autour de l'autel. Vous êtes accepté en qualité de prétendant à la main de ma sœur. Valentin, un peu de dignité, murmura le marquis. Le jeune homme continua. Il y a eu conseil de famille. Ma mère et Urbain ont longuement discuté et mon témoignage même n'a pas été tout à fait exclu. Ma mère et le marquis étaient assis devant une table couverte d'un drap vert, ma belle-sœur et moi sur une banquette le long du mur. On aurait dit un concile ou un comité au corps législatif. Nous fûmes appelés l'un après l'autre à déposer. Nous ne dîmes que du bien de vous. Madame de Bellegarde assura que si on ne l'avait pas prévenue de ce que vous étiez, elle vous eût certainement pris pour un duc américain, le duc de Californie. Quant à moi, je vous ai garanti reconnaissant des moindres faveurs. Modeste, humble, sans prétention, ayant conscience de votre situation, et désireux de nous éviter autant que possible les occasions de nous faire sentir certaines différences. Après tout, m'écriai-je, ce n'est pas sa faute s'il n'est pas duc. Il n'y en a pas dans son pays. S'il y en avait, intelligent et adroit comme il l'est, il eût, soyez-en sûr, trouvé moyen d'accrocher un titre. Sur ce, je reçus l'ordre de m'asseoir, mais je pense que mon intervention ne vous a pas été inutile. Monsieur de Bellegarde avait écouté son frère avec un calme effrayant, le sourire aux lèvres. Lorsque Valentin se tut, il fit tomber de sa manche, par une petite secousse du bras, un peu de cendre de cigarette, regarda un moment la corniche de la chambre, puis, mettant la main dans l'échancrure de son gilet, « Je vous dois des excuses, monsieur Newman, pour la déplorable légèreté de mon frère, » dit-il. « Je vous préviens du reste que ce n'est pas la dernière fois sans doute que son manque de tact vous causera un sérieux embarras. »« Oh, je n'ai pas de tact, je l'avoue, » s'écria Valentin. « Mais mon cher Newman, est-ce que vous éprouvez vraiment un embarras pénible ?»« Le marquis va vous remettre tout à fait à votre aise, il a la main si délicate. » Valentin, je suis fâché de le dire, n'a jamais eu le ton ni les manières d'un jeune homme de son rang. Ça a été une grande affliction pour ma mère, qui est très attachée aux anciennes traditions. Mais rappelez-vous que c'est en son nom seul qu'il parle. « Oh, je ne m'inquiète pas de ce qu'il dit, » fit Newman d'un ton de bonne humeur. « Je le connais à fond. » « Dans le bon vieux temps, » continua Valentin, « les comtes et les marquis avaient leur fou à gage. » De nos jours, on voit un grand démocrate garder près de lui un comte qui lui sert de fou. C'est là une excellente situation, mais hélas, je ne suis, moi, qu'un fou dégénéré. » Monsieur de Bellegarde baissait les yeux. Après quelques instants de silence, il s'adressa de nouveau à Newman. « Ma mère m'a fait part de votre communication de l'autre soir. De mon désir d'épouser votre sœur. » « De votre désir, » dit lentement le marquis, qu'une union devint possible par la suite entre vous et la comtesse de Saint-Tré. La proposition était sérieuse et demandait, de la part de ma mère, de graves réflexions. Naturellement, elle me consulta, et j'apportais, je n'ai pas besoin de vous le dire, l'attention la plus zélée à l'examen de la question. Il y avait beaucoup de choses à considérer, plus que vous ne paraissez le supposer. Nous envisageâmes votre projet sous toutes ses faces. Nous pesâmes le pour et le contre. Notre conclusion vous a été favorable et ma mère m'a prié de vous en informer. Elle aura l'honneur de vous adresser elle-même quelques mots à ce sujet. Sachez donc en attendant que, par nous, chef de la famille, vous êtes accepté. » Newman se leva et s'approchant du marquis. « Ainsi, vous ne serez pas contre moi. Vous ferez tout, au contraire, pour m'aider, n'est-ce pas ? Je recommanderai à ma sœur de vous accepter. » Cette promesse était d'une importance capitale pour Newman, et cependant, l'idée de recevoir ainsi son passeport des mains du marquis mêlait une certaine amertume à sa joie, mais, résolu à tout supporter, à passer s'il le fallait sous la roue, comme il disait quelquefois, il n'aurait pas voulu crier dès le premier tour. Il garda un instant le silence, puis se contenta de répondre assez sèchement « Je vous suis très obligé. » Je prends note de la promesse, s'écria Valentin. J'enregistre l'engagement. Monsieur de Bellegarde reprit. Je dois rendre justice à ma mère et à moi-même. Nous ne nous décidâmes pas facilement. Un tel mariage n'est pas ce que nous eussions désiré pour la comtesse de Saint-Tré. L'idée que ma sœur épouserait un gentleman dans les affaires ne nous était jamais venue, je l'avoue. C'est pour nous une nouveauté. Je vous avais prévenu, vous savez, dit Valentin. Cette impression n'a pas encore entièrement disparu, et ne disparaîtra peut-être jamais. Il se peut, ajouta le marquis avec un sourire dédaigneux, que le temps soit arrivé où la vieille noblesse devra faire quelques concessions aux idées nouvelles. Depuis bien des années, notre maison s'y est toujours refusée. J'ai soumis cette observation à ma mère, qui m'a fait l'honneur de la prendre en sérieuse attention. « Mon cher frère, » interrompit Valentin, « votre mémoire n'est-elle pas tant soit peu en défaut ? Notre mère est remarquable, permettez-moi de vous le dire, pour son horreur des raisonnements abstraits. Êtes-vous bien sûr qu'elle ait répondu à vos étonnantes remarques aussi gracieusement que vous voudriez nous le faire croire ? Vous savez combien elle est vive et mordante, quelquefois. » Ne vous fit-elle pas plutôt l'honneur de s'écrier « Au diable, toutes vos phrases, il y a de meilleures raisons que celles-là. » D'autres raisons furent également prises en considération, continua le marquis sans regarder son frère, mais avec un léger tremblement dans la voix. Quelques-unes, peut-être, furent jugées meilleures. Nous sommes conservateurs, monsieur Newman, mais nous ne sommes pas bigots. Nous envisageâmes donc la question à un point de vue libéral. Nous ne mettons pas en doute que les choses s'arrangeront de manière à nous satisfaire tous. » Newman avait écouté son hôte les bras croisés en le regardant en plein visage. « Les choses s'arrangeront, » fit-il avec un geste d'impatience. « Pourquoi ne serions-nous pas satisfaits dès maintenant ? Si vous ne l'êtes pas, ne vous en prenez qu'à vous. Quant à moi, j'ai toutes sortes de raisons pour l'être. Mon frère veut dire qu'avec le temps, vous vous accoutumerez au changement. » Valentin s'arrêta pour allumer une seconde cigarette. « Quel changement ?» demanda Newman. « Urbain, » reprit Valentin d'un ton très grave, « je crains que M. Newman ne se rende pas un compte exact du changement. Nous devrions, je crois, insister sur ce point. » « Mon frère va trop loin, » dit M. de Bellegarde, toujours son fatal manque de tact. « Ma mère et moi souhaitons également que de telles allusions soient évitées. Ayez la bonté de ne pas insister. Nous préférons sous-entendre que la personne acceptée par nous comme candidat à la main de ma sœur devient un des nôtres et n'aura pas d'explication à donner. Avec un peu de prudence et de discrétion des deux côtés, tout ira bien, j'espère. Voilà ce que je tenais à vous faire bien comprendre. Nous savons à quoi nous nous sommes engagés, et nous ne reviendrons pas, je vous en donne l'assurance, sur notre détermination. » Valentin leva les bras au ciel. « Je manque de tact, c'est convenu. Mais oh mon frère, si vous saviez ce que vous venez de dire !» Et il partit d'un long éclat de rire. « Je suis sûr que vous m'avez compris, » dit en s'adressant à Newman, M. de Bellegarde, dont le visage s'était légèrement pourpré, mais qui tint la tête plus haute encore comme pour protester contre ce trouble vulgaire. « Oh non, je ne vous comprends pas du tout, » répondit Newman, « mais ne vous en préoccupez pas. Cela m'est parfaitement égal, et même, je préfère ne pas vous comprendre. Je serais peut-être fâché de ce que je comprendrais, et cela pourrait ne pas m'aller, vous savez. Je ne désire qu'une chose, épouser votre sœur le plus tôt possible. Peu m'importe le reste. Je suis décidé à ne me plaindre de rien. Ce n'est pas avec vous que je compte vivre, monsieur le marquis. Vous m'avez accordé la permission de faire ma cour, c'est tout ce que je demande. Il serait bon que ma mère vous donnât elle-même son consentement. « Très bien, je vais aller la trouver. » Comme il se disposait à se rendre au salon, le marquis se rangea pour le laisser passer, mais au lieu de le suivre, il referma la porte derrière lui, restant seul avec Valentin. Newman avait été un peu surpris de l'audacieuse ironie du jeune comte, et quoiqu'il en eût reçu lui-même des éclaboussures, il comprenait trop bien ce que l'irrévérence fraternelle de Valentin cachait de véritables sympathies à son égard. Pour ne pas lui être reconnaissant. Il n'aurait pas voulu que son ami payât trop cher son intervention en sa faveur. Il resta donc quelques instants dans le corridor, s'attendant à toute minute à une dispute entre les deux frères et résolu à y mettre le haut là. Mais n'entendant rien, et de plus réfléchissant qu'il n'avait pas le droit d'écouter aux portes, il se dirigea vers le salon. Plusieurs personnes y étaient arrivées pendant son absence, et deux ou trois d'entre elles se tenaient dans un petit boudoir contigu au grand salon. La vieille marquise avait repris sa place accoutumée auprès du feu, et causait avec un très vieux gentleman en perruque et en cravate blanche à la dernière mode de 1820. Madame de Saint-Tré, la tête penchée, semblait prêter l'oreille aux confidences historiques d'une vieille dame en robe de satin rouge, les épaules recouvertes d'une palatine d'hermine, et le front ceint d'une ferronnière d'or avec une topaze au milieu. La jeune Madame de Bellegarde, en voyant entrer l'Américain, quitta le groupe où elle était assise pour reprendre, devant la cheminée, la place qu'elle occupait avant le dîner. Puis, indiquant de la main un pouf à côté d'elle, fit signe à Newman de venir s'y asseoir. Il obéit. Cette jeune femme l'intéressait et l'intriguait. « Je sais tout, » lui dit-elle en son mauvais anglais. « Ne faites pas le mystérieux avec moi. C'est un beau choix. Un homme comme vous doit épouser une femme grande et mince. Savez-vous que j'ai plaidé votre cause? Vous me devez une fameuse chandelle. Vous avez parlé à Madame de Saint-Tré. Oh non! Vous allez trouver cela singulier, mais je ne suis pas le moins du monde en des termes d'intimité avec ma belle-sœur. Non. J'ai parlé à mon mari et à ma belle-mère. Je leur ai garanti qu'on ferait de vous ce qu'on voudrait. » « Merci mille fois, » dit Newman en riant, « mais on ne fait pas de moi ce qu'on veut. » Je le sais fort bien, et je n'en croyais pas un mot. Seulement, je désirais vous voir reçu dans la maison, pensant que nous pourrions devenir amis. De cela, je suis sûr. N'en soyez pas trop sûr. Si vous aimez tant Madame de Saint-Tré, vous ne m'aimerez pas, c'est plus que probable. Nous différons comme bleu et rose. Mais vous avez un point de contact avec moi. Je suis entré dans la famille par un mariage, et vous désirez y entrer de la même façon. Nullement, interrompit Newman. Je désire au contraire en faire sortir Madame de Saint-Tré. Oui, mais pour jeter vos filets, il vous faut entrer dans l'eau. Nos positions se ressemblent. Nous pourrons comparer nos notes. Que pensez-vous de mon mari? C'est une singulière question, n'est-ce pas? Soyez tranquille, je vous en réserve de bien plus étranges encore. Peut-être me serait-il plus facile de répondre à l'une de celles-là, essayez. Ah, vous vous en tirez à merveille. Le vieux comte de la Rochefidèle, là-bas, n'eût pas mieux répondu. Je leur disais bien que, si nous vous laissions faire, vous deviendriez un véritable talon rouge. Je connais les hommes. Et d'ailleurs, nous appartenons au même parti. Je suis une démocrate enragée. Par ma naissance, je suis de la vieille roche. Une bonne partie de l'histoire de France est l'histoire de ma famille. Oh, vous n'avez jamais entendu parler de nous, cela va sans dire. Ce que c'est que la gloire. Nous sommes autrement nobles que les Bellegardes, en tout cas. Mais je me soucie de ma généalogie comme d'une épingle. Je veux être de mon temps, révolutionnaire, socialiste. Je suis une enfant du siècle. Oh, je suis sûr d'être plus avancé que vous. J'aime les gens d'esprit et de valeur, d'où qu'ils viennent, et je prends mon plaisir où je le trouve. Naturellement, je dois m'observer et ne pas dire tout haut ce que je pense, mais je me dédommagerai avec vous. Madame de Bellegarde continua longtemps sur ce ton, avec une vivacité qui prouvait en effet combien devaient être rares pour elle les occasions de parler à cœur ouvert. Elle espérait que Newman serait son ami, quels que fussent ses sentiments envers les autres, car réellement elle était très avancée. Les gens forts étaient tous égaux, c'était son opinion. Newman l'écoutait attentivement, sans comprendre grand-chose à ce bavardage, qui l'amusait cependant et l'irritait tout à la fois, et se demandant à quoi diable elle voulait en venir, elle aussi, avec son espoir qu'il n'aurait pas peur d'elle et ses protestations d'égalité. Tout à coup, Madame de Bellegarde s'arrêta brusquement, le regarda en face et jouant de l'éventail. « Je vois que vous ne me croyez pas. Vous êtes trop sur vos gardes. Vous ne voulez pas former une alliance offensive et défensive? Vous avez tort. Je pourrais vous aider. »« Je vous suis fort reconnaissant, » répondit Newman, « et j'aurai certainement recours à vous. Vous verrez. Mais avant tout, je ne dois compter que sur moi-même. » En attendant, je vous demande la permission d'aller saluer Madame de Saint-Tré. Je disais à Madame de la Rochefidèle, dit la comtesse en le voyant s'approcher, que vous êtes américain. Cela l'intéresse beaucoup. Son père a fait la guerre d'Amérique au siècle dernier. Madame de la Rochefidèle était une vieille petite femme à la figure cadavéreuse et dont la mâchoire inférieure avait une telle déclivité qu'il lui aurait été impossible de fermer la bouche. Sa conversation s'en trouvait réduite à une série de sons gutturaux inarticulés. Elle porta à ses yeux un antique lorgnon, monté en argent curieusement travaillé, et se mit à examiner Newman de la tête aux pieds. Puis elle dit quelque chose qu'il écouta avec déférence, mais sans en comprendre un traître mot. Pendant ce temps, le vieux monsieur s'était avancé, donnant le bras à la marquise Douairière. Sa femme lui montra du doigt Newman en expliquant sans doute sa remarquable origine. Monsieur de la Rochefidèle, lui, parlait nettement et distinctement, presque aussi bien que Monsieur Nioche, pensa Newman. Monsieur n'est pas le premier Américain que j'ai rencontré, dit-il, en saluant avec une grâce inimitable, un sourire s'épanouissant sur son visage rose et grassouillet. La première personne qui ait attiré mon attention dans ma jeunesse, j'entends, la première personne remarquable, était un Américain. Ah, fit Newman d'un ton sympathique. « Oui, le grand docteur Franklin. J'ai été naturellement fort jeune. Il fut très bien reçu dans notre monde. »« Pas mieux que M. Newman, » dit Madame de Bellegarde. « Je lui demanderai son bras pour me conduire dans le petit salon. Je n'aurais pu offrir de plus grands privilèges au docteur Franklin. » Newman, en se retournant pour obéir au désir de la marquise, s'aperçut que les deux frères étaient rentrés au salon. Rien dans leur physionomie et leur manière d'être ne lui permit de supposer qu'une scène eût dû suivre sa sortie du fumoir. Le marquis n'était ni plus ni moins froid et solennel qu'à l'ordinaire, et Valentin baisait la main aux dames avec l'air de gracieux abandon dont il ne se départissait jamais en semblable occasion. Madame de Bellegarde échangea un regard avec son fils aîné, qui, au moment où elle entrait dans le boudoir, se trouva à ses côtés. La vieille lady dégagea alors sa main du bras de Newman et vint s'appuyer contre celui du marquis. Elle demeura ainsi quelques instants, immobile, la tête haute et se mordant les lèvres. « Mon fils vous a parlé selon mon désir, » dit-elle. « Vous avez compris que nous n'interviendrons pas et ne mettrons pas d'obstacle. Le reste est votre affaire. » « Monsieur de Bellegarde m'a dit plusieurs choses que je n'ai pas très bien comprises, mais du moins j'ai compris. Celle-ci, vous me laissez le champ libre. Je vous remercie. » « Je désire ajouter un mot que mon fils, sans doute, ne s'est pas cru autorisé à prononcer. Pour le repos de ma conscience, je dois le dire. Nous considérons que vous nous faisons une grande faveur. » « Oh, votre fils me l'a parfaitement laissé entendre, n'est-ce pas ?» fit Newman en se tournant vers le marquis. « Pas si bien que ma mère. » « Je ne puis que répéter, je vous remercie. » « Je crois devoir ajouter, » continua la marquise, « que je suis fier, très fier. J'ai peut-être tort, mais on ne change pas à mon âge. Au moins, j'ai le mérite de l'avouer, je ne suis pas hypocrite. Ne vous imaginez pas que ma fille n'est pas fière, elle l'est, à sa façon. Valentin lui-même a sa fierté, il suffit de toucher le bon endroit, ou le mauvais. Quant à Urbain, vous avez pu en juger. Je lui trouve même quelquefois un peu trop de morgue. Je ne voudrais pas le voir autrement, cependant. C'est le meilleur de mes enfants. Il soutient sa vieille mère. Mais j'en ai dit assez pour vous convaincre qu'on est orgueilleux dans ma famille. Il vaut mieux pour vous savoir à qui vous avez affaire. « Eh bien moi, » s'écria Newman, « je ne puis, en revanche, vous dire qu'une chose, je n'ai pas d'orgueil et ne m'inquiéterai pas du vôtre. » « Un dernier mot. Vous parlez comme si vous aviez l'intention de m'être très désagréable tous. » Le mariage de ma fille avec vous, s'il se fait, ne me satisfera pas, et je ne veux pas feindre d'être satisfaite. Si vous ne vous en souciez pas, tant mieux. Bornez-vous à remplir votre part d'engagement dans le traité, et nous nous entendrons. Je ne demande pas autre chose. Tenez-vous à l'écart, laissez-moi le champ libre. Je suis sérieux, je sais ce que je fais, et il n'y a pas à craindre que je me décourage ou que je recule. Je serai sans cesse sous vos yeux. « Si cela vous contrarie, j'en suis fâché pour vous. Quant à votre fille, je ferai pour elle, si elle m'accepte pour mari, tout ce qu'un homme peut faire pour une femme. Je suis heureux d'avoir l'occasion de vous dire cela. C'est une promesse, un engagement. Je considère que de votre côté, vous avez pris ce soir un engagement analogue. Vous ne reculerez pas, hein ?»« Je ne sais ce que vous entendez par reculer, » répondit la marquise. « Reculer ?» C'est une lâcheté que les Bellegardes n'ont jamais eu à se reprocher. Nous n'avons qu'une parole, ajouta Urbain. Nous vous l'avons donnée. Eh bien, fit Newman, je suis heureux de vous savoir si fier parce que cela me donne l'espoir que vous la tiendrez. La marquise garda quelques instants le silence, puis tout à coup, Monsieur Newman, je serai toujours poli à votre égard, mais décidément, je ne vous aimerai jamais. Ne vous y fiez pas trop. « J'en suis tellement sûr que je vous prierai de m'offrir votre bras pour regagner mon fauteuil, sans éprouver la moindre crainte de voir mes sentiments modifiés par le service que vous allez me rendre. » Et Madame de Bellegarde, lui prenant le bras, rentra dans le grand salon. Monsieur et Madame de la Rochefidèle se préparaient à prendre congé. Madame de Saint-Tré leur disait adieu quand Newman s'approcha d'elle. « Votre mère m'a accordé, d'une façon très solennelle, la permission de venir ici souvent. Je compte en profiter. Je serai toujours heureuse de vous voir, répondit-elle simplement. Puis, l'instant d'après, vous trouvez sans doute très étrange que cette permission vous ait été donnée de cette façon solennelle. Mon Dieu, oui, je l'avoue. Vous rappelez-vous ce que vous a dit mon frère Valentin lors de votre première visite ici? Que nous étions une bizarre, une étrange famille? Les paroles de Valentin m'ennuyèrent ce jour-là, mais à présent que je vous connais mieux, je puis vous l'avouer, il avait raison. Si vous venez souvent, vous verrez. Au revoir et à bientôt. » Quand Newman sortira, Valentin l'accompagnait jusqu'au bas de l'escalier. « Eh bien, vous avez votre permis, » dit-il. « Avez-vous été content de nous ce soir ?»« De votre sœur, plus que jamais. Quant à vous, pas de dispute avec votre frère à cause de moi, n'est-ce pas ? J'ai eu peur un moment qu'il ne s'en prît à vous, dans le fumoir, après mon départ. Ne faites pas attention à ce qu'il peut me dire et me faire. Cela m'est absolument indifférent. » « Oh, quand mon frère s'en prend à moi, il n'y va pas de main morte, » répondit Valentin. « Mais j'ai une certaine manière, une manière toute personnelle, de le recevoir. Je dois dire, » ajouta-t-il, « qu'ils sont arrivés au fait plus tôt que je ne m'y attendais. Je n'y comprends rien. Il leur a fallu tourner ferme la vis. C'est un hommage à vos millions, mon cher. Eh bien, c'est le plus agréable qu'ils aient encore reçu. » Au moment où Newman allait franchir le seuil de la porte de l'antichambre, Valentin l'arrêta et lui jetant un regard brillant, empreint d'un aimable cynisme. « Je serais curieux de voir si vous avez reçu ces derniers jours votre respectable ami, Monsieur Nioche. »« Oui, il est venu chez moi hier. »« Ah, et que vous a-t-il dit ? » ?»« Rien de particulier. » »« Vous n'avez pas vu par hasard sortir de sa poche le bout d'un canon de pistolet. » »« Où voulez-vous en venir ? » ?»« Je l'ai trouvé plutôt gai. » « Pour lui. » Valentin éclata de rire. « Je suis ravi de l'apprendre. J'ai gagné mon pari. Mademoiselle Noémie a acheté son bonnet par-dessus les moulins, comme on dit chez nous. Elle a quitté le toit paternel. Elle est lancée. Et ce bon monsieur Nioche est plutôt gai pour lui. « Oh, ne brandissez pas ainsi votre tomahawk sur ma tête. Je n'ai pas revu la demoiselle depuis votre visite au Louvre. Andromède a trouvé un autre percé. Je suis sûr de ce que j'avance. » Sur ces sujets-là, je suis toujours bien renseigné. Maintenant, vous lèverez votre interdiction, je suppose. « Au diable, mon interdiction !» murmura Newman avec un accent de dégoût. Mais ce fut d'un ton tout différent que Valentin, en refermant la porte, le salua, en guise d'adieu, de ces mots. « Je la verrai donc maintenant. Elle est remarquable, très remarquable. »